Mardi 6 février, bonjour à tous qui suivez la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. C'est ce mardi que les membres des commissions Vérité et Réconciliation ainsi que l'unité Réconciliation ont prêté serment devant le président de la République et les deux chambres réunies. Les détails, c'est en début de ce journal. Grogne de certains enseignants de la province Ruyigisé à l'est du Burundi dénonce une double contribution aux élections de 2020. Ils réclament de la lumière sur cette décision. Dans la chronique santé de ce mardi, l'infectiologue Martin Manirakiza nous expliquera les catégories de personnes les plus touchées par l'infection urinaire. Bienvenue pour les détails dans ce journal mis en onde par Eli Kadogo, à la présentation Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je vous l'annonce en titre. Prestation de serment ce mardi des membres du Conseil de l'unité de la réconciliation ainsi que les nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation devant le président de la République et les deux chambres du Parlement. L'ambassadeur Guillaume Rousovio, président du Conseil de l'unité réconciliation, dit qu'ils vont tout faire pour que l'unité soit une réalité au Burundi, comme cela est prescrit par la Constitution. Plus de détails avec Alida Ndaikez. Moi, Nzobukunda Alice, membre du Conseil pour l'unité nationale et la réconciliation, je jure de remplir... C'est une des personnes, membre du Conseil national de l'unité et de la réconciliation, prétend serment devant le président de la République. Le président de ce conseil est l'ambassadeur Guillaume Rousovio, son vice-président est Alice Nzomukunda, alors que Monseigneur Justin Nzoisaba occupe la place de secrétaire. Les autres membres sont Adolphe Rukenganya, Alphonse Bazonicha, Zenon Wigirimana et médiatrice Wizabishaka. Guillaume Rousovio, président de ce conseil, dit qu'une des missions de ce conseil est que l'unité soit effective au Burundi. La question de l'unité et donc de la réconciliation est une question qui a suscité beaucoup d'orémous, de polémiques. Ce sera à nous de trouver les moyens, les outils pour la consolider, l'unité. Et après alors, quand il y a l'unité, ça signifie que la réconciliation est en marche. C'est un travail qui n'est pas facile, mais qui quand même pourra, certainement, je suis convaincu que nous pourrons l'amener à bien. Les autres personnes qui ont prêté serment devant le numéro 1 Burundi, ce sont les nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation, à savoir Ninziza Clément Noé, l'abbé Pascal Niyonkuru et Léonce Ngabo. Le président de la CVR, Jean-Louis Nahimana, indique que c'est un avantage d'avoir au complet son équipe. Nous sommes contents parce que ça faisait longtemps que nous attendions qu'on complète notre équipe. Comprenez que le travail que nous faisions à 8, maintenant nous allons le faire à 11, et avec de nouvelles compétences. Parce qu'il n'y a pas que le travail de terrain, il y a aussi cette diversité au niveau des compétences qui va aussi faire qu'il y ait un léger mieux par rapport au travail qui nous est demandé de faire. Ces nouveaux commissaires de la CVR remplacent Didas Kiganahe, Monseigneur Bernard Nahoturi et l'abbé des... Merci à Lida Ndaikeza. Page politique. Une somme d'argent variant entre 2 000 et 10 000 francs burundais est en train d'être collectée au personnel de l'enseignement dans la province Ruyigi. Selon certains directeurs, cet argent est une contribution pour les élections de 2020. Mais certains enseignants disent que la contribution pour les élections est prélevée à la source sur les salaires et demandent des explications. Quant au directeur provincial de l'enseignement à Ruyigi, il dit que seuls les politiciens peuvent donner des explications. Une correspondance signée Jean-Claude Nshimiliman. Une somme de 2 000 francs par enseignant, 5 000 et 10 000 francs respectivement pour chacun des directeurs des écoles fondamentales et des lycées, tel est l'argent exigé au personnel de l'enseignement de la province Ruyigi. Selon des informations fournies par certains enseignants, les directeurs des écoles obligent verbalement les enseignants à payer cette somme d'argent en déjà ce mardi 6 février courant et leur expliquent que c'est une contribution du ministère de l'Éducation aux élections comme les autres ministères l'ont déjà fait. Néanmoins, certains enseignants disent qu'ils ne comprennent pas les mobiles de cette collecte d'argent qu'ils qualifient d'officieuse, qui s'ajoute à une retenue électorale pratiquement obligatoire, prélevée depuis ce mois de janvier au salaire de tout fonctionnaire de l'État. Ces enseignants demandent à celui qui a pris cette décision de collecte d'argent à fournir des explications pour plus de transparence. Bernard Gassigaye, directeur provincial de l'enseignement à Ruigi, préfère ne rien dire sur cette collecte d'argent opérée par ses subordonnés et précise que seuls les politiciens qui ont pris la décision peuvent fournir des explications. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Sanganiro. À 13h01 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons ce journal par la page sécurité. Une personne morte et 40 autres blessés, tel est le bilan d'un accident de véhicule du lycée Murore de la province Changuzo qui s'est renversé ce lundi après-midi à environ 1,5 km du dit établissement scolaire. Parmi ces blessés, une vingtaine sont hospitalisés. Ces victimes sont des élèves et enseignants qui rentraient de la célébration de la fête de l'unité nationale au chef-lieu de la commune Gisagara. Au moment où le monde célèbre chaque année le 6 février la journée sans téléphone mobile, certains habitants de la ville de Bujumbura affirment que les téléphones mobiles facilitent la communication. C'est aussi une source de distraction si les usagers ne sont pas prudents, disent ces citadins au micro baladeur de la radio Isanganiro. Nous reviendrons sur cet élément. Et les sachets en plastique s'observent un peu partout en mairie de Bujumbura, là où nous sommes, où sont passés nos reporters sur différentes avenues de la capitale. Si ces sacs ne sont pas éparpillés, ils forment des tas qui bouchent, des caniveaux. Et ceux qui s'en servent comme emballage, qui n'ont pas voulu s'exprimer sur le micro de la radio Isanganiro, indiquent que c'est un moyen facile et moins coûteux pour le transport des vivres. De leur côté, ceux qui au quotidien s'occupent de la propreté dans les places publiques et sur la voirie urbaine, ils expliquent que plus de 80% des déchets est composé par des sachets en plastique. Revenons sur l'élément de la célébration de la journée sans téléphone chaque 6 février. Bien, certains habitants de la ville de Bujumbura affirment que les téléphones mobiles facilitent la communication. C'est aussi une source de distraction si les usagers ne sont pas prudents, disent ces citadins au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Du point de vue social, le téléphone mobile nous aide à être proche de nos familles. Il nous aide à nous connecter à l'Internet. On peut télécharger ou apprendre en ligne grâce au téléphone mobile. Du point de vue technologique, il nous aide aussi à dialoguer avec nos amis qui ne sont pas proches de nous. Vous blaguez comme ça, vous vous sentez comme vous êtes encore proche. Avec l'évolution, ça, bien sûr, avec la croissance de la population, l'utilisation d'un téléphone mobile est apparu comme un instrument indispensable pour accompagner les gens à faire les actes, si à en communiquer, parce que avec la croissance de la population, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il y a aussi des inconvénients émanant de la possession du téléphone mobile, notamment lorsque on prend à long terme en utilisant le téléphone mobile, on ignore ou on oublie une activité dont vous étiez interpellé à faire dans ce temps. Les étudiants, les professeurs, les médecins, les banquiers, les caissiers qui ne traitent pas leurs clients d'une manière prépondérante, adéquate, en concentrant tout leur temps sur Facebook, WhatsApp. C'est vrai que l'utilisation d'un téléphone mobile peut entraîner des méfaits ou des distorsions au sein d'un agent économique parce qu'il y en a ceux qui utilisent abusivement les téléphones mobiles. Il y en a ceux qui consacrent le temps pour les téléphones mobiles au lieu d'être au travail, au lieu de s'occuper de les missions spécifiques, de les travaux qui leur sont assignés et profitent de cette occasion de manipuler les téléphones. Ça ralentit l'activité de l'individu. Les individus à bas âge qui utilisent des téléphones, au lieu d'étudier ou c'est pas de faire les activités, ils consacrent tout le temps à manipuler les téléphones. Ça, c'est une conséquence néfaste. Employés dans le secteur public, il y en a, va dans les bureaux quelconques, tu rencontres des employés en train de manipuler les téléphones au lieu de faire les activités. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi revient sur l'infection urinaire qui peut toucher une ou plusieurs parties du système urinaire. L'infectiologue Martin Manirakis indique que les femmes et les enfants sont plus affectés par la maladie. Il fait savoir que si l'infection n'est pas traitée, peut mener à un problème plus grave au rein jusqu'à entraîner une insuffisance rénale. Le point avec Francine Ndiokougaïo. Nous vous avons parlé dernièrement de l'infection urinaire, définie en médecine comme étant une maladie qui touche l'arbre urinaire. Les plus affectés par cette infection sont les femmes et les enfants, selon l'infectiologue Martin Manirakis. Le diagnostic se fait sur un échantillon d'urine. L'examen clé, c'est un examen des urines, c'est-à-dire qu'il va donner un échantillon d'urine. Il y a des techniques pour prélever ces urines. Et puis ces urines sont acheminées au laboratoire, ils vont isoler cette bactérie responsable de l'infection et ceci va nous permettre de savoir la bactérie. Et après avoir isolé la bactérie, le laboratoire va mettre en culture la bactérie, c'est-à-dire que la bactérie va se multiplier. Et après avoir fait ça, on va mettre en contact cette bactérie avec différentes antibiotiques. Et l'antibiotique qui va tuer plus de bactéries sera l'antibiotique de choix pour traiter l'infection urinaire. La prescription d'antibiotiques est le traitement le plus indiqué pour l'infection urinaire. Bon, l'infection urinaire se traite et se guérit complètement. Évidemment, ça se traite par des antibiotiques, mais comme je l'ai dit, parmi les facteurs favorisant les facteurs de risque, si c'est quelqu'un qui a un calcul urinaire, il faut traiter d'abord le facteur favorisant et traiter l'infection par après. Et normalement, ça guérit à 100%. Ça guérit à base d'antibiotiques. Évidemment, tous les antibiotiques ne peuvent pas traiter une infection urinaire. Il y a des antibiotiques qui sont dirigés contre les bactéries qui sont connues pour causer l'infection urinaire. Le docteur Martin Manirakis nous parle d'éventuelles complications de l'infection urinaire si elle n'est pas bien traitée. Les complications les plus fréquentes, ça peut donner des abcès au niveau du parenchyme urinaire, au niveau du rein en soi. Et aussi, si la personne en question fait des infections urinaires à répétition, ils peuvent détruire complètement le rein et donner par exemple ce qu'on appelle une hydronéphrose qui peut se compliquer par un abcès ou une insuffisance rénale, si ce sont les deux reins qui sont touchés. Il est aussi nécessaire d'adopter au quotidien des mesures préventives. L'infection urinaire est plus fréquente chez les diabétiques. Si on équilibre son diabète, on fera moins d'infections urinaires. Et aussi, si quelqu'un a une baisse de l'immunité, si on essaye de restaurer l'immunité, on va prévenir en quelque sorte la fréquence des infections urinaires. Aussi, j'ai dit que la grossesse favorise l'infection urinaire, c'est-à-dire que si on n'est pas enceinte, on fera moins d'infections urinaires. Parmi les mesures de prévention, il y a aussi l'hygiène de vie. Normalement, quand on va faire communément ce qu'on nous appelle le grand besoin, il ne faut pas vous essuyer de derrière vers devant. Il faut le faire à partir de l'anus vers derrière. L'infection urinaire n'est pas en soi une maladie contagieuse parce que, comme l'explique l'infectiologue Martin Manirakis, la bactérie le plus souvent responsable de cette infection est naturellement présente dans l'intestin. À 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro, point final à ce journal, mais je vous en rappelle quelques titres. C'est ce mardi que les membres des commissions Vérité et Réconciliation ainsi que l'unité Réconciliation ont prêté serment devant le président de la République et les deux chambres réunies. Vous l'avez suivi dans ce journal. Grogne de certains enseignants de la province Luigi dénonce une double contribution aux élections de 2020. Ils réclament de la lumière sur cette décision. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Elie Kadogo qui a assuré la mise en onde, à l'équipe de la rédaction et qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.